Nous allons traiter aujourd'hui le sujet de dissertation qui fait l'histoire. Se demander qui fait l'histoire peut paraître pour le moins surprenant, dans la mesure où, au premier abord, le verbe faire semble nous renvoyer à la sphère de la production, c'est-à-dire au domaine des activités qui trouvent leur achèvement dans la réalisation d'objets avec leurs usages possibles. L'œuvre, c'est-à-dire le produit de cette action productive, l'œuvre dans laquelle se concrétise l'action de faire, ainsi entendue, n'est certes pas sans rapport avec l'histoire. En effet, une œuvre, en tant qu'elle perdure au-delà de l'acte qui lui a donné naissance, qu'elle peut même survivre à son auteur, à celui qui l'a fabriquée, eh bien, l'œuvre est au présent, un objet qui nous renvoie vers le passé, ou du moins vers son propre passé, vers son contexte d'origine, son contexte de fabrication, et ainsi que les usages qui en ont été faits. Par exemple, voilà, une œuvre d'art, c'est en même temps un signe du passé, un signe d'une production passée, c'est un signe de l'histoire qui nous rappelle que le monde qui nous entoure nous préexistait, qu'il est lui-même le fruit d'un long travail d'édification dont nous héritons à présent. Ne serait-ce que lorsqu'on visite une ville, notamment une ville qui a conservé beaucoup de traces de son passé, eh bien, c'est une manière pour nous aussi de retrouver ce passé, retrouver cette histoire. Bon, mais l'histoire ne désigne pourtant pas une réalité matérielle, une réalité concrète, un objet qu'on pourrait saisir directement. L'histoire, c'est pas simplement les œuvres, les bâtiments, qui sont eux seulement des signes de l'histoire. L'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des faits passés résultant de l'activité humaine, à partir desquels on peut rendre compte de la configuration du présent. Voilà, l'état présent des choses, c'est le résultat de la succession des faits passés. Et donc, par l'expression faire l'histoire, il s'agit d'entendre l'action de faire en tant qu'agir, et non pas en tant que produire. Ce sont les êtres humains qui font l'histoire par les actions qu'ils commettent. Le problème ici serait donc celui de l'identification des acteurs de l'histoire. Qui sont les acteurs de l'histoire? Est-ce que ce sont simplement des individus, ou bien est-ce qu'on doit envisager l'action des collectifs, celle des peuples, des groupes sociaux, de l'humanité dans son ensemble? Bon, éventuellement. Mais dès lors que l'action individuelle se trouve imbriqué dans le mouvement collectif, est-ce que ça n'atténue pas le caractère intentionnel que nous attribuons d'ordinaire à l'action? Voilà, on pense souvent l'action sur le mode l'intention, intentionnelle, c'est-à-dire j'ai un projet, j'agis pour réaliser ce projet. Bon, ben, en fait, le fait d'inscrire l'individu dans le collectif, ça a tendance à atténuer ça. En outre, la trame de fond sur laquelle les événements se détachent, paraît tout autant faire partie intégrante de l'histoire que les actions à l'origine de ces événements. L'action épisodique, l'action qui fait date, hein, on se rappelle d'une date, d'une action faite par quelqu'un, eh bien en fait elle pourrait se déployer qu'en fonction de forces plus profondes qui la sous-tendraient. Dès lors, l'agir de ceux qui font l'histoire nous paraît en ce sens conditionné, au point que le sens de leur propre conduite leur échappe. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire, bon, bah, évidemment, quand on regarde les faits passés, on retient l'événement, hein, ce qui a été les actions faites par des individus, mais on peut se demander, est-ce que c'est ça qui est vraiment important? Est-ce que ce n'est pas d'abord les conditions qui ont permis à ces actions d'être faites? Et ça nous conduit à nous poser la question suivante. Donc, si les acteurs de l'histoire ne sont pas réellement maîtres de leur conduite, si les actions qu'ils font se trouvent conditionnées sans qu'ils en aient vraiment conscience, peut-on encore dire que ce sont les hommes qui font l'histoire, les êtres humains? Les êtres humains ne sont-ils pas eux-mêmes le produit de l'histoire façonné par leur mentalité et leur conduite? En outre, l'histoire n'est pas histoire pour ceux qui la vivent. Quand on vit un événement, on ne le vit pas forcément comme un événement historique. Alors, certains événements particulièrement graves peuvent être vécus au moment où ils sont vécus. On se dit, ah bah évidemment, les générations suivantes s'en rappelleront. C'est un événement marquant. Bon, on peut penser voilà, les guerres mondiales ou même le 11 septembre, là pour une date relativement récente, quand le 11 septembre a eu lieu, on s'est dit, ah bah ça c'est un événement historique. Bon, enfin, en règle générale, l'histoire n'est pas vécue comme histoire par ceux qui la vivent. Hein. L'histoire est considérée comme histoire rétrospectivement. Et donc c'est plutôt ceux qui étudient l'histoire, ceux qui étudient les faits passés, en portant un regard rétrospectif sur les événements, qui vont considérer l'histoire en tant que telle. Or, ce passé, il va nécessairement être reconstruit à partir de traces qui ont été laissées et qui restent, qui existent encore au présent. Donc, la tâche de faire l'histoire n'appartiendrait peut-être pas aux acteurs de l'histoire, aux acteurs des faits passés, mais plutôt à un observateur extérieur aux événements, un observateur qui lui se situe a posteriori de ces événements. N'est-ce pas ainsi la fonction de l'historien que de mettre en évidence les faits, mais également de les relier entre eux afin de bâtir l'histoire dont on peut comprendre le sens? Voilà. Donc, on en arrivera à cette idée que finalement, peut-être, est-ce que ce ne sont pas moins les acteurs de l'histoire qui font l'histoire que les historiens rétrospectivement? Donc on va traiter de ce sujet en trois parties. Nous verrons d'abord que l'histoire apparaît comme le résultat de la série des actions humaines. Cependant, eh bien, les êtres humains semblent au moins autant façonnés par l'histoire qu'ils contribuent eux-mêmes à la faire. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est la fonction, enfin, ce serait la fonction des historiens que de reconstituer l'histoire a posteriori à partir des traces des actions des hommes du passé.